Le Petite Semaine à Assemblage Requis, on parle avec la formation We Are Wolves qui était au Festivois dimanche dernier. Il y a de la gomme qui explose et des carottes mauves dans la chronique, c'est un fait. Plus CNX à Assemblage Requis tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Si vous vous joignez à nous, donc bienvenue. Pour les autres, ben vous étiez déjà là, fait que re-bienvenue à vous, hein? Stéphanie est déjà arrivée en plus, Caroline, mais que de luxe qu'on a aujourd'hui. Bonjour, Stéphanie. J'ai accouru, j'entendais la trame j'étais dans mon auto. Et je me suis parquée, et rapido presto, j'ai couru jusqu'en studio. Dans 15 minutes encore, non? Hein? C'est-tu dans 15 minutes, non? Non? Okay. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à vous. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Dans l'émission d'aujourd'hui, plein de contenu comme toujours. Vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Les concours vont continuer pour ceux qui nous écoutent en direct. Pizza, pizza! Pizza, pizza! Grâce à Salvatore. Sinon, il va aussi y avoir une chronique Ton plat favori avec Stéphanie tout à l'heure. Eh oui, il va avoir un plat favori. Il va aussi avoir l'entrevue avec We Are Wolves. Oui, ils étaient en studio avec nous, donc on va vous diffuser ça tout à l'heure. Allez, il va y avoir une chronique CNX, une chronique C'est un fait, les sorties spectacles. Oui, il y a aussi un album dont je vais vous parler qui est sorti cette semaine. Et j'ai aussi quelques petites nouvelles sur le showbiz. Merveilleux, on est ensemble pour un bon 3 heures encore. Donc pour commencer, voici Zeus et How Does It Feel. 89 FM, c'est fou! Oui, c'est Assemblage Rocky. Ah. À peine proche, hein? J'étais proche. J'étais proche. In your escape with days and days. You can feel the earth under your feet. You are like a dog who roams the streets. And how does it feel? How does it feel? How does it feel? You can make them feel your Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Ça va bien aller avec le reste de l'émission, puis avec le reste de ces fous en général, ça fit pas, ça. Ouais, notre émission, toute la quête. C'est le ça fit pas chaud. On vient d'entendre Broken Social Scene à Assemblage requis. Avec la pièce Texaco Bitches tirée de leur dernier album Forgiveness Rock Record. Mm-hmm, on est ensemble pour encore 3 heures moins 10 minutes à peu près. Tu sais, t'aimes ça, ma précision dans les choses. Ouais, moins 11 minutes même. 11 minutes, excuse-moi. Selon mon ordinateur. Pour une fois qu'il est capable de faire quelque chose comme afficher l'heure dans l'ordinateur. Oui, la seule chose que je suis capable de faire avec l'ordinateur, c'est utiliser bloc-notes parce qu'il n'y a pas Word. OK. Et regarder l'heure. Bon, ben quand même, il va falloir en parler au gars qui s'occupe de ça. Hein? Hey, Mathieu, hey! Peux-tu parler de quelque chose? C'est l'été, ça attendra. Ah, c'est pas grave. Parlons des spectacles, tiens. Oui, il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Il y a Woodstock en Beauce, puis il y a une maudite bébite dans le studio comme d'habitude. T'en parles à chaque fois, hein? C'est comme s'il y avait une infestation à chaque semaine. Tellement t'es dramatique! Alors, il y a Woodstock en Beauce qui s'en vient. Alors, ce soir, pas toutes sur la même scène, mais Vulgaire Machin, Madame Moustache, Tricot Machine et Vincent Vallière qui vont être à Woodstock en Beauce. Ça va être génial, ça. Il va y avoir le 3, Metric, les Cowboys fringants. Woodstock en Beauce toujours. Ensuite, il va y avoir Elisapi Isaac qui va être au Club Soda, côté de Montréal. Et Antoine Graton et Éléphantine qui vont être au Théâtre de Verdure. Est-ce que tu connais? Ah, Théâtre de Verdure, non. Moi non plus. Bref, c'est dans le coin de Montréal. Ensuite, le 4, We Are Wolves, qu'on va avoir tantôt en entrevue. Oui. Pour le Festivois. Eh bien, We Are Wolves sont à Woodstock en Beauce le 4. Le 5, La Question sont à l'Abreuvoir. Et le 7, The Flaming Lips qui vont être au Metropolis. C'est chargé, je dirais, comme été jusqu'à maintenant. Hein? Assez. Vraiment beaucoup. On va l'entendre quelques extraits de ces groupes-là. Ouais, on va commencer avec Metric, un groupe que j'aime bien, évidemment, tout le monde le sait. Alors, on va aller écouter une pièce de leur dernier album. Sinon, ben, on vous l'apprend, là. Hein? Ouais, on vous l'apprend pour ceux qui n'écoutent pas Assemblage Requis régulièrement. Shame on you. Je voulais tellement dire ça. Petit doigt, non? Petit doigt, trop loin. Trop loin. Hein? Alors, on va aller écouter la pièce Gold Gun Girls. Cool. Assemblage Requis sur C'est Fou 89.fm. Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? Wolves et Paloma, assemblage requis sous les ondes de ces fous, 89 FM, et c'est sur leur merveilleux album Invisible Violence. Invisible Violence. Invisible Violence. Faut le prononcer. Invisible Violence. C'est pas les violences, c'est de la violence. Donc, un petit peu plus tôt cette semaine, en fait, dimanche dernier, on recevait en studio We Are Wolves par téléphone. Oui, dimanche dernier, dans le cadre du festival, il est en spectacle le dimanche soir au D'Artagnan. Alors, on les a eu en entrevue dimanche, c'était spécial, on était live, mais on va vous la rejouer puisque la plupart des requins, vous savez qu'on est là le jeudi et non le dimanche soir. Alors, on veut quand même vous faire partager notre expérience. Et ta voix? Et ma voix très enrhumée. Là, elle est encore enrhumée un peu, mais c'est beaucoup moins épais. Mais là, c'était horrible. On se transporte à dimanche dernier. Bonjour. Bonjour. Salut. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Absolument. Mais à part la grippe, là, je m'excuse pour ma voix. C'est vraiment épouvantable. Mais bon. Ben, je t'avoue que dans le cellulaire que j'ai en ce moment, ça sonne bien correct. Ah, ben, c'est toi qui te fous. Tant mieux. C'est juste, c'est juste pour les auditeurs que ça va être vraiment épouvantable. Toi, est-ce que tu m'entends bien? Oui, on entend super bien. Okay, parfait. Good. Alors, on va remettre un peu les gens en contexte, ceux qui vous connaissent pas. Donc, le groupe a été fondé à Montréal en 2000. Vous avez trois albums, Non Stop, Je te plie en deux, qui est sorti en 2005, Total Magic en 2007 et Invisible Violence. Vous êtes reconnu pour un style assez unique, post-punk, un son primitif et animal, sans faire un mauvais jeu de mots avec We Are Wolves. Ouais. Évidemment, c'est vraiment trop facile. C'est agressif, rock électro, et vous inspirez beaucoup des arts visuels. On va parler tantôt des pochettes d'albums, entre autres. Mm-hmm. Vous avez aussi tourné avec And You Will Know Us by the Trail of Dead, Surfer Blood, The Gossip et Duchess Says. Ouais. Vous avez pas mal de vécu à date en 10 ans, quand même. Ben oui, surtout qu'en fait, les 5 premières années, il s'est vraiment pas passé grand-chose, parce qu'on était en train d'apprendre à jouer, puis on n'avait jamais vraiment prévu de faire de show. T'sais. C'était vraiment comme un passe-temps. Je pense que c'était pour nous changer les idées de l'école, mettons. Puis finalement, c'est ça. Ça a pris des proportions. Puis entre le deuxième puis le troisième album, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le premier puis le deuxième album, c'est assez agressif. Le troisième album aussi, vous n'avez pas perdu de mordant. Mais le troisième, il y a un peu plus de pop, un peu plus d'électro. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je veux dire, je pense pas qu'il s'est passé des événements majeurs dans nos vies qui ont fait... Mais je pense qu'on a appris à jouer un peu plus, donc à composer un peu plus. Puis on avait le goût d'avoir un peu peut-être un peu plus de beauté dans nos tunes. Je sais pas ce que je veux dire, de finesse, mettons. Ouais. Puis, ouais, ben, je sais pas. Moi, je pense qu'on a réussi à quand même garder le côté assez rough, tout en amenant une espèce un peu de délicatesse puis d'harmonie, mettons. Ouais, c'est ça. Même si les chansons sont un peu mélodiques, parfois, vous avez quand même pas perdu de mordant. Je vous ai vu en spectacle. La dernière fois que vous êtes venu à Trois-Rivières, au nord-ouest. Ouais. Puis c'était quand même quelque chose. Il y avait du monde qui trashait. C'était du monde de ces fous. Ça arrive, ça. Je m'étonne tout le temps. Puis je trouve ça tout le temps cool parce que ma jeunesse s'est passée dans le hardcore punk. Puis les affaires vraiment élevées. Fait que c'était comme pratique commune, le trash. Puis quand ça arrive encore, je suis comme fuck yeah, c'est le fun. c'est le fun quand personne fait mal. Puis que les filles ont du fun pareil. Ouais, c'est sûr. Ouais. Récemment, vous avez tourné en France. Vous avez été assez bien accueilli, même si les gens vous connaissaient plus ou moins. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'intention d'y retourner? Ouais. En fait, c'est même pas la première fois qu'on y allait. Juste que cette fois-ci, c'était un peu plus médiatisé à cause qu'il y avait un partenariat avec le... C'était une initiative du magazine Les Inrecuptibles. Ouais. Fait que c'est ça. C'était un peu plus gros que d'habitude. Mais ouais, moi, tourner en France, c'est n'importe quand. En fait, tourner en Europe en général, c'est... C'est assez relax. Là. Il y a beaucoup moins de routes à faire qu'aux États-Unis. Ouais, puis au Canada, il faut que tu roules 10 heures pour aller faire un... Il y a genre 6 villes au Canada où on peut jouer. C'est quand même vraiment grand, ce pays-là. Fait que... Ouais. Quand t'arrives en Europe, puis tu conduis 4 heures, puis on dit hey, « voilà, t'es rendu. » C'est comme... C'est différent. Et aussi, aux États-Unis, vous avez été assez bien accueillis. Vous avez eu une critique dans le New York Times, pas récemment, mais ça fait 2-3 ans, je pense. Et vous étiez quand même assez encensé par le journal. Est-ce que vous allez retourner cette année? Ben, on est allé... C'est quand on est allé, non? Vous êtes allé là une couple de mois, je crois. Ouais, c'est ça, ça fait quelques mois. Peut-être, on va peut-être faire des trucs un peu plus proches, je sais pas, New York ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je pense que tout l'été se passe pas mal au Québec. Fait que ça va être c'est le fun. On va en profiter pendant qu'il fait beau au Québec. Puis, j'ai entendu entre les branches que vous avez peut-être des nouvelles chansons pour un prochain album. Est-ce que c'est vrai? C'est effectivement vrai. Est-ce que... Tu veux savoir si tu vas en avoir d'entendre ce soir? Ah, je sais pas, hein, peut-être. Non. Ah. Non, on ne sont pas tout à fait prêtes, mais t'sais, on a tout le temps des idées. Fait que quand on a le temps de pratiquer, parce qu'en période de tournée, c'est comme plus dur de se rencontrer au local pour pratiquer. T'sais. C'est bien comme ça qu'on compose les tunes. C'est tout le monde ensemble au local. Fait que... Mais non, faut comme qu'on ait des périodes un peu plus off, tu sais, pour justement se rencontrer puis surtout là, faire place aux nouvelles idées. Mais oui, c'est arrivé déjà, fait que puis j'ai bien hâte en fait d'entendre ça. C'est plus weird. plus weird. Est-ce que vous en allez plus encore vers l'électro ou vous allez plus vers rock, punk? Pas très pop, mais en fait, ouais, je suis pas encore une fois une espèce de salade avec tout ça. Un mélange. Est-ce qu'il va ressembler un peu au dernier album ou... Non, je pense pas. Non, c'est plus weird que ça, en fait. Encore plus? Ben, c'est pas si weird, là. C'est quand même plus... Ça digérait bien, non? Accessible quand même. Ouais, quand même. On a vraiment beaucoup joué à C'est vous. Justement, la pièce qu'on a entendue, Paloma, c'était la pièce qu'on a joué le plus du dernier album. Je suis content de voir que le CD skippait pas tellement qu'il a joué. Mais quand même, ça fait pas longtemps que le dernier album est sorti, alors c'est le fun de savoir qu'il y a des nouvelles chansons déjà. L'album, est-ce que vous savez vers quand vous allez le sortir? Début 2011? Ou... Ah non, ça, je sais pas, là. Je sais pas, là. Aucune idée, en fait. Je t'avoue que j'y ai même jamais pensé encore, là. Okay. Vous travaillez là-dessus tranquillement? Ouais. À moins qu'il y ait du monde qui pense à ma place et que je ne sois pas au courant, ça, j'aimerais pas ça. On mettra pas de pression. Ouais. Comment? On mettra pas de pression sur vous. Non, je veux dire, moi, ça me tente de mettre de la pression. C'est le fun d'être actif. Mais c'est ça, on veut pas non plus overloader. C'est vraiment le fun d'être en voyage, c'est vraiment le fun de travailler à la maison. Parce que faire les deux en même temps, nous autres, bizarrement, il y a du monde qui arrive super bien. Puis nous autres, ça marche plus ou moins. Et tantôt, on parlait des pochettes d'albums. Je pense qu'il y a... Est-ce que c'est le dernier que la pochette d'album a été faite par le groupe? Ils ont tous été faits par le groupe. Les trois? Oui. Je pensais que c'était seulement le dernier, mais tantôt, on regardait les trois pochettes puis on se disait, ben voyons, finalement, ça doit être tout fait par le groupe. Puis les deux dernières sont assez quelque chose. Dans le chose. Même genre, oui. Oui, dans le même genre, mais sont vraiment très belles. Est-ce que vous comptez continuer comme ça et faire les autres pochettes aussi? Ah ben oui. Ben, en fait, c'est moi puis Alex qui... Moi, c'est Vincent. Je fais les claviers puis l'électronique. Puis Alex fait la voix. Puis les deux, on étudie en art visuel. C'est pour ça que nous autres, on tient à faire nos trucs nous-mêmes. Parce que ça, je sais pas, c'est vraiment un plaisir qui est pratiquement aussi grand que la musique pour moi de faire des visuels pour le groupe. C'est réussi en tout cas. Vraiment. Bon, merci. Et comment les arts visuels, justement, vous inspirent pour votre musique? Ben, en fait, ça, j'ai l'impression que c'est. Nous autres, on l'a vu comme le même processus, parce qu'au départ, on n'était pas vraiment des musiciens. On avait un peu gossé sur des instruments en tant que jeunes ados, là, mais en ayant à l'école, moi et Alex, on était à Concordia, en art visuel, à l'Université Concordia, moi. Puis on avait le goût de sortir une énergie comme plus rough, parce que c'est bien intellectuel, l'université en art, fait que on avait le goût de trouver de quoi d'un peu plus rough. Puis c'est comme le même processus créatif, en fait. C'est bien des essais, bien des erreurs. Puis je sais pas, juste comme ça, faire confiance quelque part là-dedans. C'est pas tout le temps facile. Puis nous autres, on marche beaucoup par référence, par emprunt. On emprunte des trucs à gauche, à droite dans notre culture musicale ou visuelle. Fait que, je sais pas, pour nous autres, ça semblait comme un processus assez naturel, en fait. C'est le lien que je préfère avec les arts. Et côté musical, vous êtes inspiré par The Stooges, The Cramps et déjà Voodoo. Mais est-ce qu'il y a des artistes plus actuels que vous aimez bien et qui vous inspirent? Ah ouais, ben en fait, on écoute tellement de tout, là, je veux dire, des trucs plus actuels. Ouais, qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? En fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'on n'écoute pas, là, je veux dire, on va écouter du Lady Gaga, comme du Animal Collective, n'importe quoi, là, tous les trucs, tout ce qui passe, on l'écoute, il y a des trucs qui restent plus longtemps, il y en a qui restent moins longtemps, t'sais. Sauf qu'on a tendance à revenir constamment à nos classiques, tu sais, Velvet Underground, mettons, qui est la même affaire depuis 69, tu sais, parce que le band est mort ça fait longtemps, tu sais, puis on continue à l'écouter constamment. C'est un peu nos... Il y a un groupe qui a un peu parti notre amour pour l'électronique dans le rock, puis c'était Add N to X, c'est un groupe anglais. Oui. Puis ça nous avait bien influencé à l'époque. Et est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Vous avez, il y a deux ans, vous avez participé au 400e de Québec. Vous êtes allé à l'International de Jazz. Cet été, il y a Oceaga et Woodstock en Beauce qui s'en viennent. Ouais. Vous avez aussi écrit la musique pour Bazo.tv et gagné un prix Gémeaux. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça? C'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent, autres que des spectacles? Des projets comme plus... Ouais, comme la musique de Bazo.tv, par exemple. Pour l'instant, non, en fait... en fait, non, je pense pas. Non, il y aura bien des spectacles. Ça va être pas mal ça, je pense, pour l'instant. Et justement, là, ce soir, vous allez être au D'Artagnan dans le cadre du Festivois. Vous allez aussi être à Woodstock en Beauce le 4 juillet. Il y a et au Festival Oceaga le 1er août. Et vous allez aussi être aux Îles-de-la-Madeleine avec Malajube. Est-ce que c'est la première fois que vous allez jouer avec Malajube? En fait, vraiment pas. On a vraiment joué souvent avec Malajube. C'est quand, au tout début de notre groupe et au tout début de leur groupe, c'était, je sais pas, je me souviens, on avait joué au Petit Campus. On s'est croisés plusieurs fois. On a déjà joué à Toronto aussi ensemble. Il s'est créé une petite chimie entre les deux groupes. Ben oui, quand même. Je veux dire, c'est chacun a comme son, sa petite personnalité là-dedans. C'est rien de négatif, mais il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Mais oui, il n'y a aucune animosité, en tout cas, pour ça. C'est tout dans le fond quand on se retrouve. Alors, on va inviter tout le monde à aller vous voir ce soir au D'Artagnan, dans le cadre du festival. Et sinon, ils peuvent acheter votre dernier album, Invisible Violence, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et est-ce que tu veux entendre une chanson en particulier? On a les trois albums devant nous. OK, de nos affaires. Qu'est-ce que j'aurais dû entendre? bonne question, ça paraît. Je l'écoute pas souvent, mais je suis comme tout excité. Ouais, c'est ça. Ça doit pas t'arriver souvent de te faire demander qu'est-ce que tu veux t'écouter. Non, vraiment pas, c'est ça. Attends un peu. Ouais, il y a beaucoup de choix. Ouais, j'écouterais Near Fear, en fait. C'est une pièce que je joue pas souvent, puis que moi, je la trouve bien bonne, puis je sais pas trop pourquoi je joue pas souvent. Peut-être parce que c'est juste moi qui la trouve bonne. C'est sur le dernier. C'est bon, on va faire jouer ça. Alors, bon spectacle ce soir. Merci. On vous souhaite d'avoir une méga grosse foule. Souhaitons-le. Avec beaucoup d'ambiance et un peu de trash, pas trop de violence, mais juste correct. Alors, cool, ben merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, ciao. Merci. Bye. Bye. Vous écoutez pas mes signes, hein? Non, on n'écoute pas Stéphanie tes signes. Stéphanie qui... c'était un moment de formation. Ben oui. Tu lis? Ouais. C'était donc Vincent de Quand We Are tu Wolves. J'ai tout le temps de vous parler. Il est tellement fatigué. Ouais, j'ai bonne mode, ouais, tu fais beau, c'est le fun. Je t'ai amené le prix en parachute. Sébastien Richard, il était super content, en fait. Ah oui. Il écoutait la radio dans le tapis. Pas mal de ça, toi. Écoutez, là, c'est fou 89. Donc, ce que j'allais dire avant que tu m'interrompes... C'est qu'on vient d'entendre l'entrevue avec We Are Tantôt, Wolves. Tantôt, on va avoir... j'arrête, ok, c'est vrai. Ils vont se frapper avec des... Non, tu vois. Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait? We Are Wolves. We Are Wolves. C'est Vincent, Tantôt, le membre. Vincent de We Are Wolves. Ils étaient en spectacle au D'Artagnan dimanche, et c'est là qu'on les recevait en direct en studio. Donc, ça, c'était une rediffusion de cette entrevue-là. Donc, le spectacle n'est pas ce soir. Non. C'est déjà passé. Déplacez-vous pas. Hier, il y avait Mimi Van Der Glo au D'Artagnan. Intéressant, oui. Ça devait être super bon. Sérieux, j'adore Mimi Van Der Glo en spectacle. Ils sont vraiment très, très, très bons. Cela étant dit... T'as rien à dire là, quand c'est le temps. Il y a un silence et François ne veut pas parler. Mais quand tout le monde parle... Pourquoi quand il y a un silence, faut absolument que je parle? Regarde, j'ai le micro d'or. OK, là, j'explique le contexte. François est en train de mettre un bijou de couleur or sur le micro. Je sais pas où il a pris ce bijou-là, par sûrement terre. Dans sa garde-robe. Non, par terre, en fait, c'est une boucle d'oreille. OK, donc là, t'as pris une boucle d'oreille par terre, tu l'as mis sur le micro, puis là, les gens vont parler sur ce micro-là. C'est un peu dégueulasse, t'sais. Déplacé, inapproprié. Bon, qu'est-ce que tu disais? Je suis en train de dire que We Are Wolves, ils ont parlé de la pièce Near Fear, et c'est là-dessus qu'on va se quitter un peu. Temporairement. Qui s'en va? Personne s'en va. Toi bientôt, j'espère. 4-5 minutes. 4-5 minutes à peine. Near Fear de We Are Wolves au 89 FM, c'est fou. C'est un assemblage requis. Avec un épais, puis la gentille, et puis moi. C'est tellement gentil, amour. Mathieu. Ça sent l'amour en studio. C'est tellement fatiguant, François. Sacré là-dedans. C'est pas vrai. Sécurité! Vrai. Sécurité! Time you get. écoutez Assemblage requis. Je vous avertis qu'on entre en onde maintenant. Hey, c'était bon ça. Hey. Hein, je sais que c'était bon. J'ai fait connaître ça à Mathieu puis il capote depuis. C'était ton choix? Oui. C'était pas si bon. C'est Matt and Kim en passant, juste pour ceux que ça intéresse. Là. La pièce Daylight. Mm. Allez voir le clip aussi. Il était cœur. Hein? Allez voir tous coeur, les clips hein? De Matt and Kim. Cœur. Hey, ils ont sorti. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que. Tu vas parler de pizza? Non. OK. Donc, vas-y. Oui. Hey, ils ont sorti la programmation en vol de macadam. Ouais. Hein? Oh, chiasse, mon ordinateur marche pas. Surveille ton langage. Ouais, on est à la radio. Go! Hey, beaucoup de bons groupes. En fait, je parle personnellement. On retrouve Millen Collin qui vont faire. C'est comme le 10e anniversaire du lancement du disque Pennybridge Pioneer. Le meilleur disque. De Millen Collin. Mm. Ils vont faire, en fait, c'est ça, toutes les chansons. En bref, c'est supposé, c'est ce qui était marqué dans la communauté de presse. Il va y avoir Against Me aussi. Et on retrouve Hatebreed, on retrouve Cake, Strung Out. Et puis. Strung Out, j'écoutais tellement ça au secondaire. Les avais-tu vu quand il était venu à Trois-Vierges? Non. Non. Ah, c'est de la hâte. Pauvre toi. Je pense que je peux. Je pense que je peux pas y aller. Non. T'es mineur, hein? Ouais, j'étais mineur. Mineur, pas mal. C'était au Maquisard, ça? Non. Non? Non. C'était où? Au Cégep. Ils sont venus au Cégep. C'est pas... Première partie avec Snapcase, je me rappelle. C'était bon. C'était bon, bon. C'était bon, bon. C'était bon, bon. On déraille, je pense. Ricky Martin. Yeah! Épouvantable. C'était écœurant. À date, live in Trois-Rivières. Motherfucker. Surveille ton langage, Mathieu. Pardon. Mathieu Plante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle excellente question! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gars des promos, barre-oblique directeur général, barre-oblique mascotte de C'est fou. Salut. Par intérim, mascotte par intérim. Mascotte par intérim. C'est le moment de parler de choses véridiques, véritables et vérifiables. Pour la première fois que tu vas y assister à cette chronique-là, malade, hein? Eh, j'avais tellement hâte. Voici C'est un fait. Ah, je savais que t'avais hâte. Hey, c'est bon, ça. Bye, thank you, thank you, thank you. François et Stéphanie, je vais vous apprendre quelques affaires que vous allez partager pendant peut-être un déménagement quelconque, un mangeage de pizza peut-être. Dépendant, c'est des faits qui s'appliquent à pas mal toutes les sauces. Sauce tomate! Sauce tomate. Malaise. Malaise. En décembre 2009, Vladimir Likonos est mort après avoir accidentellement trempé un morceau de gomme, de la gomme à mâcher, dans de la poudre explosive. Wow! Oui, il pensait que le pot d'explosif était, qui était en fait de l'acide citrique, il pensait que c'était d'autres choses, quelque chose du genre. Genre du sucre en poudre. Il y avait deux affaires sur son bureau, il a trempé dans le mauvais truc. Donc, la gomme a explosé. Ça a fait péter, exploser la moitié de sa mâchoire. T'es pas sérieux? Sérieux. Et il a perdu donc la moitié de sa face, la moitié du bas. Wow! Mais je sais bien. Colin, toi... Non, mais hey, j'aime ça, ouais. J'aime ça, ce chronique-là, moi. Tu peux dire ça à des gens, ils vont tout impressionner, toi. Ils me créeront pas, là, mais c'est pas grave. Ben, tu leur diras que c'est vrai. C'est Mathieu Plante qui m'a dit ça. Oh, oh, on s'excuse. Belle, dans les films de, dans le film de Disney, Beauty and the Beast, tu sais, la Belle et la Bête, il y a un personnage Belle, c'est d'où la Belle et la Bête. Et j'aime vraiment très Belle. Mais... Ouais, ben, c'est ça. Donc, elle fait l'apparition surprise dans Le Bossu de Notre-Dame, c'est vrai. Son caméo est dans la même scène que la scène où il y a Pumba du Roi Lion et le tapis de Aladdin. Donc, allez voir la photo sur assemblagerequis.com si vous voulez trouver exactement la scène. Aussi, Scar, ou je ne sais pas comment il s'appelle en français, dans Le Roi Lion, il est dans le film Hercule. Et Sébastien, dans La Petite Sirène. Et dans... ainsi que la bête dans La Belle et la Bête, ainsi que Pinocchio, ainsi que Goofy, ils sont tous dans Aladdin. Le film de Disney. Goofy? Comment il s'appelle en français? Je connais pas le nom en français. Ben, Goofy, non, mais Goofy, c'est en français. Tu Goofy en français? Oh, oui, je pense que oui, en fait. Pour vrai? Ben, si j'écoute Aladdin, je vais le voir. Ben oui! Tu vas me texter, hein? Comment? Tu vas me texter ou je suis excité? Ah, François. Toujours sur le sujet de Disney, tu sais, le mythe qui dit que la tête de Walt Disney avait été congelée là, après sa mort là, et enterrée à Disneyland, c'est pas vrai. Non, c'est une légende urbaine. Oui, c'est même pas proche d'être la vérité. Quelle déception. Ben oui, je sais. Quand Walt Disney est mort, ils l'ont fait défaire ensemble, brûler, comment on appelle ça? Incinéré. Donc, sa cendre a été enterrée au cimetière Forest Lawn Cemetery en Californie. À côté de Michael Jackson. C'est ça. Vous saviez sûrement, et ça c'est pas un fait parce que je pense que pas mal c'est un fait, mais tout le monde le sait un peu, que la voix de Bart Simpson, Ned Simpson, c'est une femme de 52 ans, ça vous saviez ça, Nancy Cartwright, vous saviez ça? Même chose au Québec, c'est aussi une femme qui fait la voix de Bart Simpson, vous me suivez? Oui, vous oui, je sais, c'est qui, c'est Joanne... Blouin, c'est ça. Bon. Donc, Nancy Cartwright, qui est la voix de Bart Simpson dans Les Simpsons depuis le début de la série dans les années 80, elle est aussi la voix de Ralph Wiggum et de Nelson Muntz. Elle était aussi dans Les Razmoquettes. Bref, c'est pas ça le fait que je veux vous apporter aujourd'hui. C'est qu'elle est aussi une membre de l'Église de Scientologie. Ça, ça veut dire ça? Ça, c'est les Joanne Blouin? Comment? Joanne Blouin? Pas Joanne Blouin. Nancy Cartwright, la fille qui fait Bart Simpson, okay. Les Simpsons. OK, en anglais. Ben, c'est ça, en anglais, exactement. Mais la chose étonnante, c'est qu'elle a eu des gros problèmes avec l'Église de la Scientologie parce qu'elle a utilisé la voix de Bart Simpson dans un appel robotisé, tu sais, un appel automatique que tu reçois, tu décroches, puis ça fait comme bon. Elle a utilisé la voix de Bart Simpson pour demander aux gens d'être dans l'Église de la Scientologie. Oh boy, OK. Et on écoute l'extrait de Ray là. En fait, ça, c'est chose Howard Stern qui diffusait le clip. Okay. The voice of Bart Simpson? Yeah. Yeah. I guess she's a Scientologist. Ça joue pas très très fort. De toute façon, tu lèves pas plus que ça. Je parle aux auditeurs. Ah. Plus sur ton radio ou toi à la maison. On peut-tu juste entendre l'extrait? Ah, tiens. Ben, c'est excitant, ça. Bref, c'était la voix en anglais. Tu l'avais écouté avant? Ouais, mais ben, je pensais qu'il serait plus fort que ça dans le vrai radio, là. Hein? Ça? Mais bon, quand même. Baissez le son. Ouais, c'est ça. Baissez le son de votre radio. Tu m'énerves. Le fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Tu connais Hugh Hefner? Vous connaissez Hugh Hefner? Bon. Et quoi? Ben, non, j'ai rien. Tu fais ça toute la journée? Hein? Non. est un lointain cousin de George W. Bush. Oh, ouais? True that. Hefner est le 9e cousin de Bush. Un autre de ses cousins est le sénateur John Kerry. Hey boy! Qui a été dans la même élection que lui en 2004. Hein? Aussi, ça, c'est son 9e cousin. Des grosses familles, hein, aux États-Unis. Ben, Des grosses familles riches aussi. Toujours dans les arbres généalogiques, la vedette de Twilight, Toilette, en français. Toilette. Robert Pattinson. Wow! J'aime ça! Ben moi aussi. Et de la même famille que Dracula, entre guillemets. Donc, via Ancestry.com, ils ont découvert que l'acteur Robert Pattinson, qui joue, Edward Cullen dans la série de films Twilight, est en fait dans la même famille que Vlad the Impaler, qui est l'inspiration de Dracula. Oui. Apparemment, qui est aussi dans la même famille, mais distante, du prince William et de prince Harry. Toi. Le prince Harry. On aurait pu. T'es fort, man. T'es fort. T'es rapide. T'es fort. On aime ça. Ouais. Les carottes, avant d'être oranges, ont déjà été mauves. Ouais. C'est vrai. Les carottes mauves, oui, c'était dans le Moyen-Orient. Voilà. Et dans ça existe le encore. Orient droit. Ça existe encore, mais je pense qu'ils appellent pas ça des carottes. Ça, des choux mauves. Des choux mauves. Donc, ça, c'était il y a 1000 ans qu'on les faisait pousser. Oui, c'est vrai. Sinon, ça dit que les carottes mauves sont devenues rares à cause de mélangeage de couleurs, je pense. On se fout de la raison, mais les carottes étaient mauves avant d'être oranges. Comme le Cheese Whiz, qui a changé de couleur. Il était gris, je pense. Ouais, gris. Je sais pas s'il a changé. Il a-tu déjà été gris dans les pots? Dans les pots, non. Pas sûr. Je pense qu'ils en vendent, puis ils vendent ça comme colle pour la céramique, pour les planchers. Ouais, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est avec pas un bon céleri, là. Crunch. Crunch. Hein? C'est un autre fait sur les carottes, hein? Hein, je sais que vous vous demandiez. C'est ces carottes, je sais pas. Il est habillé comme une carotte aussi. Ah, ben merci, c'est vrai. Ça marche. François a toujours une banane dans les mains, fait que ça aussi, c'est louche. Hein, est-ce que je mens? Non, non. J'ai souvent une banane dans les mains, en fait. C'est comme mon fruit préféré. Là. Vous saurez m'en excuser, mais je suis allergique au kiwi. Donc, Es-tu allergique au kiwi? Ouais, c'est problème, ouais. Aussi, c'est un beau fait d'hiver. Hein, ouais. T'es allergique au kiwi? Ouais, sérieusement. Bon. Je t'en amènerai pas. Non, non. Ou encore, je mélangerai d'autres choses que tu mangeras. Et tu verras Jean Fleuré. J'ai hâte de voir ça. Bon, donc si tu manges trop de carottes, tu pourrais devenir orange. Oui. Non. Peau, oui. Non. Oui, la peau orange, c'est à cause que tu aurais trop de bêta-carotène dans ton sang. Et ça peut arriver si tu manges trop de nourriture qui a de la bêta-carotène dedans, comme des carottes ou encore des citrouilles. Hein? Mais ça fait pas de mal à personne et apparemment c'est très très commun chez les jeunes et chez les gens qui vont un petit peu trop souvent se faire manger. Hein? Douchebag. Douchebag. Douchebag, motherfucker! Il est rapide, on l'aime. Ben oui. Douchebag. Hey, c'est l'enfer, hein? En tout cas, vas-y. Il y a quand même, il va durer deux fois le temps qu'à dire d'habitude, mais ça, c'est à cause de François. Ouais. Tu connais les paquets de bonbons Skittles? Non. Non. Je te l'enseigne, c'est oui. Des bonbons. Stéphanie, moi, te parler à toi. Parfait. Tu connais le slogan dans les annonces Taste the Rainbow? Oui. Goûte l'arc-en-ciel. Ben oui, ben moi, je vous voyais en disant goûter. Le paquet normal, regular size, là, tout à fait, tout ce qui est le plus commun de Skittles, n'a même pas de bleu dedans, donc tu peux pas goûter l'arc-en-ciel parce qu'il n'y a pas de bleu dedans. Il n'y a pas de bleu dans les Skittles. Faut que tu prennes la variété, une autre variété de Skittles, c'est qu'ils sont pas le regular size. Oui, c'est vrai, il y a genre rouge, jaune, vert, orange, mauve. Là, attends un peu. On va faire comme si c'était vrai. Hein? Je suis pas sûr de comprendre. En fait, là, slogan, c'est goûte l'arc-en-ciel, il n'y a pas de bleu dedans. Non, non, non. Tu utilises un micro, tu diffuses sur la FM pour dire ça. Les Skittles contiennent aussi de la shellac et de la gélatine, qui sont tous les deux dérivés d'animaux. Donc, les végétariens ne peuvent pas manger de Skittles. Saviez-vous ça? Saviez pas ça, hein? Qui ça? Les végétariens ou les végétariens, non, en anglais. Puis les vegans, ceux qui mangent plus d'œufs. Peut-être pas dû le dire, je pense qu'eux autres non plus ne le savaient pas. Ben, too late. La gélatine vient souvent des cochons. Donc, manger des Skittles violerait aussi les restrictions strictes des Juifs et des musulmans. C'est ça? Musulmans? Ouais. Bref, mangez rien. un tigre peut passer entre 2 et 3 jours sans manger, lui. Chanceux. Un tigre? Oui, un tigre. Donc, les tigres, et là, le terme est en anglais, « gorge themselves », donc, comment sans dire? Pire. Wow! T'es pas mal plus rapide que moi. Donc, des fois, entre 44 et 77 livres qui mangent en une seule fois, une seule assiété, si on veut. Ensuite, ils peuvent passer des jours sans manger. En moyenne, finalement, ils mangent en moyenne entre 13 et 15 livres par jour. Donc, ça dépend des fois. Toujours dans les animaux, les chevaux ne peuvent pas respirer par leur bouche. Donc, si leurs narines sont bloquées, ils pourraient suffoquer et mourir. C'est vrai, il y en a qui sont morts de ça. Triste, hein, quand même. Tu dis ça comme tu connaissais des chevaux qui étaient morts de ça. Ben oui, mon Jack, mon bon ami Jack, Jack le cheval. Eh hey boy. Hey, mais c'est bon à savoir, par exemple. Ben, je sais bien. OK, quelques petits faits rapides, là, on commence à prendre notre temps pas mal. La place entre ton nez et la lèvre du haut, en anglais, ça s'appelle le philtrum. Quand tu fais le moustache avec ton doigt, c'est exactement là, le philtrum. OK, tu nous apprenais un mot? Le creux, ben oui, je vous apprends un mot. T'aurais pu dire au moins que ça avait comme, je sais pas, mettons, la largeur de ton index. J'ai déjà fait des faits comme ça. Il faut varier les faits. Ouais, non, ça aurait été comme, à la limite, plus... C'est intéressant. C'est ça. Que savoir que ça s'appelle le filtrum. Ben, t'sais, veux savoir quelque chose d'intéressant? J'arrive pas à faire pousser ma moustache en milieu. Fait que c'est pour ça que je fais pas pousser ma moustache. Aussi parce que je suis pas... En tout cas, j'allais dire quelque chose qui serait un petit peu péjoratif pour les gens qui ont des moustaches. Hey, c'est pas les mêmes moustaches. Mais non, c'est super piquant. le truc est utilisé pour... tu sais, dans un magasin de souliers, pour mesurer ton pied, ça s'appelle le Brannock Device. Et le brevet appartient à Charles Brannock, enregistré en 1928. Yeah! I know that. Wow! Mm-hmm. Je suis sous choc. On l'appelle le Tyrannosaure Rex. C'est le Tyrannosaurus Rex. C'est le seul dinosaure qu'on appelle par son nom scientifique complet. Parce que les autres dinosaures, par exemple, c'est pas leur... Mais un T-Rex, c'est ça, en fait? Tyrannosaure Rex, c'est un T-Rex, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on l'appelle pas vraiment par son nom. Surtout par son surnom. OK, on va finir avec celui-là. Jason Earls, est-ce que vous écoutez Anna Montana? Anna Montana. Est-ce quelqu'un qui écoute ça ici? Tu nous prends pour qui? Hein? Ah, sérieux, assume-toi, Anna Montana. Non, au moins. J'ai jamais écouté ça. Attends, je pense qu'on a une confidence de Mathieu Plante. Là. Non, moi, c'est la... non, oh, attention. C'est pas, là. Moi, c'est la vie de Palace de Zach et Cody. Puis Anna Montana, t'as jamais écouté ça? Non, moi, c'est Zach et Cody. Anna Montana, t'as jamais écouté ça? Non. Tu me jures? Oui, j'ai déjà écouté. Bon. Ça semble. T'es-tu enregistré? Dans nos dés, peut-être. Wow! J'aime bien ça, cette émission-là, moi. Un épisode. C'est parce que c'était. Il y avait une suite. Il y avait une suite entre Zach et Cody. Il y avait comme une poursuite. Ça se poursuivait dans un épisode d'Anna Montana puis de Raven. Essaye pas de te justifier, là. C'était une étoile filante. Il y avait une étoile filante qu'il fallait qu'il fasse des suites. On perd des auditeurs, là. Okay. C'est clair. Sérieusement. On finit là-dessus. Jason Earls qui joue Jackson Stewart. Là, c'est le grand avec. Dans Anna Montana. Dans Anna Montana. Que t'écoutes. Il joue un adolescent, mais dans la vraie vie, il a 33 ans. Si belle. Ben, dans Smallville, Tom Welling, il a 36 ans. Ouais, mais il a pas l'air. Il joue pas un jeune prépubère. Ben, il jouait ça dans ce temps-là. C'était ça, là. Bon, c'était donc, c'est pas intéressant, mes affaires. Mais non, jeune pour avoir écouté Watatatao. Pour vrai, t'as jamais écouté ça? Ben, j'écoutais ça quand ma mère écoutait ça parce que ma mère avait l'âge d'écouter ça. Mais crème, quel âge que t'as? Ouais. Jeune. C'est ça. T'as besoin de quoi? Jeune. T'as-tu 18 ans? Non. T'as pas 18 ans? Va-tu arrêter de la saouler, François, s'il vous plaît? OK, on devrait passer un peu, moi, je dis. Ça a été long quand même, comme. Ouais. Ouais. Hey, gros malaise en studio. Mathieu qui écoute Anna Montana. Zach et Cody. Steph, qu'on sait pas quel âge qu'elle a. François qui porte une nappe. Une mascotte toute la patente. Ça, c'est pas un secret. Non, je sais. C'est fou aussi. Fait qu'on revient tantôt. C'est un assemblage requis. T'as autre chose à dire? Ouais, à dire Anna Montana. T'as 21? Je pense que c'est un peu long pour laisser aller à tout, hein? C'est fou, 89 ans. 89 ans. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Sur le jeu dessiné, juste par terre là devant à nos pieds, 1, 2, 3, 4. Bon retour à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est Mathieu Plante. François-Olivier Marchand est absent en ce moment, je sais pas. Il est parti, disparu. On sait pas où il est parti. Je pense qu'il est gêné parce qu'il te demande des questions vers un personnel. Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Je comprends bien. Bon, on trouve ça drôle, ça, c'est le fun. Ouais. Ouais, bah, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui reste pour le restant de l'émission? On a une chronique CNX qui s'en vient, Mathieu? Oui, c'est vrai. Encore cette semaine, ça va être un pow, donc des sujets qui n'ont pas vraiment de thème ensemble. Il faut aussi avoir une chronique de Fidon là dont la question. Est-ce que c'est une nouvelle? Non. Je sais pas. OK. On va voir. On va voir ça tantôt. Peut-être. Moi, j'ai mon plat favori qui s'en vient. Ah oui, tu nous parles de quelque chose de mystérieux. Une partie du corps, je pense. Non. Vraiment. Ça en est une, par exemple. Ah oui? C'est les. Dans le ton avec tes. Jambes. Je sais pas. Je sais pas moi non plus, je vais chercher. C'est pas grave. Alors, c'est ça qui est ça. C'est à peu près ça. Mais là, cette semaine, il y a des albums qui sortaient. OK. C'est mais, rare, ça, non? Ben, d'habitude, il y en a plus que cette semaine. Ouais. Cette semaine, j'ai juste une sortie d'album qui m'intriguait un peu, mais n'ayant pas accès à un ordinateur. Et les magasins étant fermés aujourd'hui, c'est moi qui beaucoup, voulais, je trouve, là, par exemple. Moi qui voulais magasiner aujourd'hui, j'étais très déçue. Tu voulais un iPod? Oui, je voulais aller m'acheter un iPod. Ben, t'en auras pas. En même temps, t'en auras pas. En même temps, j'aurais pu aller fouiller, voir qu'est-ce qui sortait aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine plutôt. Mais finalement, j'ai pas pu. Mais quand même, il y a Cat Empire qui sortait un nouvel album, Cinema, un groupe australien qui est connu parce que c'est un peu éclectique comme groupe, jazz, ska, funk, et des influences latines aussi. Et il y a un peu de rock de temps en temps. Mais puisque j'ai pas écouté l'album encore, on va aller écouter une chanson de leur dernier album. Voilà. Et vous jugerez par vous-même sans mon opinion qui vaut pas tant que ça. Hein? Ben là, arrête de t'enlever du crédit. Mérite. Je trouve que c'est mieux mérite, moi. Whatever. C'est ça. Ça fait viande. Viande. Sélection mérite, moi. Windowsills, and my heart jumped every leg. Until one bright morning when I woke, I heard Ben's girl. She gently spoke and said, "Choice, my man's to breathe or choke. So go die or learn to hope." Get back on your way. Sometimes I feel so flat. And like somewhere eagle on the wing. Well, it turns and life comes bursting in. And the earth you thought would beat you down lifts up and lights you grind. Maintenant. Alors, voilà, faites-vous votre propre opinion de la chanson. Vraiment très bon, je trouve. Non? Ouais, c'était bon. Ouais. J'ai hâte de voir si l'album en entier est dans le même genre. Et maintenant, puisque je n'ai pas d'autres albums, j'ai des petites nouvelles pour vous. Alors, tout d'abord, est-ce que tu connais Someone Still Loves You, Boris Yeltsin? Non. Vraiment un long nom de groupe. Mais bon, ils vont sortir un nouvel album le 17 août prochain qui va s'intituler Let It Sway. Et une autre nouvelle, Los Campesinos, qu'on fait jouer quand même pas mal ici à C'est Fou, leur drummer a quitté le groupe. Ah! Au moins, il est mort. Il est pas... au moins, il est parti de son propre gré, que je voulais dire. C'est tellement pas cool. Je sais. Mais bon, il a l'air d'avoir quitté en bon terme. Il a écrit un petit message vraiment très Dear John, genre « Oh, je suis vraiment triste. C'est le message le plus triste que j'ai écrit de ma vie. » Alors, voilà. Et il va falloir qu'ils trouvent un drummer pour le remplacer puisqu'ils ont 14 dates de spectacle dans le mois de juillet et dans le mois d'août. Alors, ceux qui veulent s'essayer, ben... Un petit beep machine en arrière, là, boum, boum, boum, boum, tout le long, ça va être plate un peu. Ouais, c'est ça. Et finalement, dernière petite nouvelle, Winter Gloves a annoncé qu'elle allait sortir un nouvel album le 7 septembre prochain. Ça, je suis vraiment, vraiment excité. Là. Oui, moi vraiment. Aussi. C'est un des albums là, qui est en rotation dans l'auto, là. Il s'appelle All Red, le prochain album. Et vous pouvez aller sur le site de la Blogothèque. Il y a un vidéoclip avec une nouvelle chanson. C'est Plastic Slides. Par contre, c'est sûr que c'est en acoustique, donc il n'y a pas un million de claviers comme on est habitué avec Winter Gloves. Ouais. C'est vraiment pas du tout pareil, mais c'est quand même très, très bon. Tourné à la ronde ou quelque chose du genre? Oui, c'est tourné à la ronde. Vous avez juste à aller voir le vidéo sur la Blogothèque et la nouvelle chanson débute autour de 3 minutes 40. Le début, écoutez c'est pas... Écoutez le reste, là, quand même. Oui, écoutez le reste aussi. Mais si vous êtes comme... Vous l'écoutez, vous êtes comme... Hein, c'est pas une nouvelle chanson, ça. Mmh. Mais attendez, la nouvelle chanson est à 3 minutes 40. Patience, les petits requins. Les petits requins. Alors voilà. Alors ouais. Sur ça, on va aller écouter justement du Winter Gloves. On va aller écouter une chanson très, très bonne. Oh oui. On va aller écouter Let Me Drive, que justement François qui rentre dans le studio. François, c'est lui qui m'a dit où est-ce qu'on avait entendu Let Me Drive des Winter Gloves. C'était où? C'était une publicité de Musée Plus. Ah! Ah! On va aller écouter cette pièce-là. OK. Et ensuite, on va aller écouter du Los Campesinos. Je pensais qu'on attendait pour que François dise quelque chose d'inapproprié. Puis, ah, c'est vrai, j'avais pas allumé son micro. Je pourrais continuer comme ça, finalement. On aurait dû faire ça toute l'émission. Regarde comment on apprend nos erreurs avec le temps. Wow! Aïe. C'est vraiment génial.

Mais il y a des situations où Iman est avantagé par sa tenue vestimentaire. Oui, oui, c'est ça. J'ai un nid d'aigle dans le salon. Mais je me fais jamais piquer. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de sortir de la cuisine. Et en plus, Iman peut vivre son rock'n'roll pleinement. Le monde le savent pas, là, mais j'ai Guns N' Roses tatoué en arabe dans le front. C'était le portrait de Iman, une musulmane. Non, pas He-Man. J'ai dit Iman. Tu veux de la Iman? T'es un peu m'appeler mon dealer. Non, pas de la I, maudit junkie. Iman! Non, attends. Vas-y doucement, c'est ma première fois. Pas Iman, Iman. Ah, qui mangeait dans tout de la I. Et mesdames, moi-même, messieurs. Je m'en rappelle maintenant. On l'a. Ouais. Ouais, quand tu l'entends une fois, tu t'en rappelles pas mal longtemps. C'est clair. Un peu comme un hymen. Ouch. OK. C'était donc Vidéo avant la question avec leur, comment dire, déconstruction de choses religieuses. J'adore ça. La burqa! Et on les retrouvera la semaine prochaine avec, espérons-le, de nouvelles chroniques pour les prochaines semaines. Donc, soyez-y à Assemblage requis les jeudis entre 15h et 18h et samedi entre 16h et 19h. On s'en va entendre... Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, en fait? On s'en va entendre Think About Life de leur album Family. On va l'entendre Joanna, c'est super de bonne humeur. J'espère qu'il pleut plus dehors. Bon. Et s'il pleuvait, maintenant, il ne pleuvra plus à cause de cette musique-là. Hein? Ça met He-Man, He-Man? C'est bon, He-Man. He-Man. Tant mieux. On lui dit bonjour. Mohamed. Pas de blague là-dessus, tu sais. Ça va aller. Bon. C'est un assemblage requis. but she's sorry. I only touched her hips, but she's sorry. I only kissed her lips, but she's sorry. Gonna have to tell her tonight. Vous écoutez Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Et quoi dire, à Assemblage requis, nous reste environ 1h30 ensemble. Moi, c'est Mathieu Plante, Stéphanie Gagné qui est toujours avec moi, évidemment. Oui, et François qui vient de nous rejoindre. Frankie Boy, he's back for season 2. Kate Nash, Kate Nash. Plus tard, Kate Nash. Tantôt. Tantôt. J'ai ta préférée. On cherchait une pièce ou un album qui a rapport avec la pizza. Étrangement, il n'y en a pas vraiment. Hein, c'est drôle que tu parles de pizza, par exemple, parce qu'on a de la pizza à faire tirer. Ben oui! Ah, hein? Oh, le thème des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ils mangent des pizzas là-dedans. Hein? C'est pas ça pour toi. Comment tu chantes la chanson Teenage Mutant? Je sais pas, je l'ai pas entendu. C'est ça? Non. Ça sonnait comme ça, la façon que tu l'as chanté. Non, arrête, Mathieu. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pizza, 99. Hein, pas cher. Pour une extra large, en fait. C'est bon jusqu'à 20h au Salvatore. Ah. Sur la rue Vachon, au Cap-de-la-Madeleine. 819-376-7666 pour la bonne pizza. Ça, c'est pour appeler directement chez Salvatore. Direct. Direct. C'est comme Antonio Banderas. Antonio Banderas. Si. Ou... si sensual. C'est quoi dans le film, là? Montoya? Anna Montana? Anna Montana. Dieu, je m'appelle Anna Montana et tu as tué mon père. Hein? Anna Montana. Mon Dieu que c'est bon. Hein, Matt? Ouais, c'est ça. On sait que t'aimes ça. On sait que t'en as downloadé, en tout cas. Zach et Cody. Anna Montana. Eux autres sont drôles. Elle est pas drôle. Anna Montana. Mais plutôt que d'appeler là-bas, il pourrait appeler ici. Oui, parce qu'on a de la pizza gratos. Yep. Si. Si. Ah, il a tellement pas de classe. Il s'est décroté le nez en faisant ça. Calin. Il se décrate le nez. Il rote partout sur mes bras. Sur ton bras. Aïe, aïe. OK. Chance qu'il a acheté du Mountain Dew, parce que sinon, là... 819-376-5183 pour avoir, non pas une, mais deux pizzas 16 pouces. Hey, je te dis, toi, on se garde. Salvatore, hein. Je répète, appelez pendant ce temps-là. 819-376-5183. Je vais aller vous la livrer, tabarouette. Hey, c'est François qui va venir vous roter sur le bras, direct à la maison. Ça donne le goût d'appeler, ça. Tellement! Non, si vous appelez, je vous rate pas sur le bras. C'est si vous appelez pas. Parce que tu promets. Attends, si le monde n'appelle pas, tu peux pas la rater sur le bras de toute façon. Chaque-moi bien. Oh! Hé! Hey. J'ai un plan. Aïe, aïe! Vive l'Internet, je sais pas. La technologie. Non. Le contact humain. Donc, 819-376-5183, aussitôt que la pièce commencera à se faire entendre. Hein? Ouais, exact. Puis c'est pas ce qui joue en fond. Ça, c'est un fond qu'on appelle. Ouais. Non, on va aller écouter pas la préférée à François. Pas toi, c'est pas mon meilleur fond. Pas vrai. Hein, Stéphanie, comment? On va aller écouter la préférée à François. Fatigant! Yeah, mais c'est impossible de faire la radio avec ce gars-là. C'est impossible. C'est Dieu sait que c'est agréable. Hein? Tantôt, j'ai remarqué dans tes yeux, il y avait comme des petites étoiles quand je parlais. Ça, c'est un chulo, c'est pas pareil. Ah, peut-être. C'est pas à cause de toi. Non. Vous me mettez dans c'est le trou. On va aller écouter Kate Nash. Sa blonde va te fâcher, par exemple. On peut-tu écouter Kate Nash? Non, écoute, tout sa blonde. Pas ça. On va mettre Kate Nash, la pièce Paris. T'as pas rencontré ma blonde encore, par exemple. Non, elle pas est encore. Cool. Je dis pas, t'as pas rencontré ma blonde. Elle est pas cool. Tu tu t'es mis dans marre, Mathieu. Kate Nash. Fais qu'est-ce que tu regardais? Play. Hein? Mais play. Vous êtes à Assemblage requis pour encore 1h20. 376-5183, les pizzas. C'est maintenant. 376-5183. Right. Company. said you'd lend me anything. Think I have your company. On vient d'écouter Kate Nash avec oui. Paris. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Hey, vous entendez les voix de Mathieu et de Stéphanie, les meilleures voix de, du moment. Du monde. Pourquoi est-ce que François-Olivier n'est pas là en ce moment? C'est parce qu'il est parti chercher un annuaire. Pourquoi un annuaire, vous me demandez? Ça a peut-être rapport avec de la pizza. Hein? Mais peut-être pas aussi. Bon, on vous le dira tantôt, t'sais. Bref, restez à l'écoute parce que dans les prochaines minutes, c'est pas tout de suite, c'est juste après cette pièce-là qu'on va entendre de Florence and the Machine. Il nous reste deux pizzas. Fait que, indice total. On écoute quelle pièce de Florence and the Machine? Rabbit Heart, Raise It Up. C'est ça? Pas ça pendant tout. Non, on va l'écouter Dog Days Are Over. Donc, la 1. Ouais. Tu faisais signe de 2, une chance que je te l'ai demandé. Hein? Ouais. Ben, c'est pas grave, c'est les deux meilleurs. Mais je voulais entendre Dog Days Are Over. Bon, ben d'accord. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est ça qui est ça, comme tu dirais. J'aime emprunter des expressions. On pourrait dire en fait. On va aller écouter. On rit de temps. On va aller écouter ça. Ben, il rit de moi, tu sais, puis il rit de toi depuis tantôt aussi. Il rit de tout le monde, fait qu'on peut bien rire de lui une fois de temps en temps, de manière. Vous êtes l'assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. C'est absolument pas professionnel de couper une pièce. Ouh. C'est pas professionnel. Non. Ça fait mal. Vraiment pas. Il a mis du Kate Nash. Moi, j'ai remis du Kate Nash. Ça marche pas pantoute. C'est pas déjà que c'est pas professionnel. Oh, come on, François. Non, mais je voulais qu'on... C'était super bon. Je voulais qu'on le fasse... Kate Nash. All over my body. Ah, yeah. Oh, il est tellement vulgaire aujourd'hui. Ah. T'es-tu vulgaire demain? À chaque fois que t'es de bonne humeur? Tout le temps. Épouvantable. Je sais pas comment elle fait pour sentir. Je suis pas vulgaire. Je suis quelqu'un de cru. T'es slash vulgaire. Mauve. Excusez-moi. On va vraiment aller écouter Florence and the Machine. Ouais. C'est vrai. Hey, 819-376-5183. OK, last call. Live là. Puis vous avez des chances, là, appelez-nous 819-376-5183. Puis je vais vous dire plus lentement le numéro. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que 819-376-5183. Ou sinon, en tout temps, 701. OK, shut up. le problème, c'est peut-être des fois, les gens pensent que c'est une rediffusion. Je vous dis, on est en direct le jeudi, 16h43. Si vous vous reconnaissez là-dedans, appelez-nous. Pendant qu'on écoute Florence and the Machine avec Dog Days Are Over. So you better run. Ça va être un échec total, j'en suis sûr. On devrait la manger. On devrait la manger. Ouais. À l'extérieur du studio, évidemment. Tous ceux qui écoutent, vous manquez une bien bonne pizza parce que là, on fouille dans le bottin téléphonique pour appeler quelqu'un et le harceler. On a l'air vraiment désespéré, par exemple, en disant Mais j'ai une idée. Ouais. J'ai une idée. Les idées de François Olivier, OK? C'est la meilleure idée de la journée. On envoie ça au Stratos. Non! J'ai pas le goût de livrer, ma gueule. Ouais. C'est toi qui livres. Ah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Finalement, son idée du siècle, c'était pas vraiment l'idée du siècle. Ça vous a fait rire. On vient d'entendre Florence and the Machine avec l'album Lungs et la pièce Dog Days Are Over. Dog Days Are. Hey, il fait beau dehors, ça fait du bien. Le monde déménage, vous avez un nouveau chez vous. Vous savez pas quoi manger, vous nous appelez. Hein? 819-376-5183. Puis là, c'est vrai, par exemple, c'est la dernière fois. Là. OK. Là, c'est... Ouais, parce que là, à un moment donné, il y a des pizzas, il n'y en a pas non-stop. Non, c'est ça. Là. Non-stop, je vais te plier en deux. Là. Non. Il n'y en a pas des temps, il n'y en a pas une des Une dernière à gagner. Donc, si vous ne laissez pas, vous ne pouvez pas gagner, hein, évidemment. Ben, exactement. Parce que c'est ça, les gens, il faut qu'ils se disent, gars. Là, les gens, ils se disent, oh, mais là, c'est parce que là, je ne peux pas appeler, je suis sûr qu'elle a déjà gagné la pizza. Non, gars, on n'a pas de réceptionniste ici, là, c'est nous autres qui répondent. Fait que, vous parlez directement à Mathieu Plante. C'est ça. Fait que vous attendez que la pièce commence, vous tentez votre chance sur le téléphone, vous plongez votre main sur le combiné téléphonique, vous faites le 819-376-5183-819-376-5183. Stéphane va appeler de son cellulaire. Ouais, vas-y. Et vous risquez de Stéphanie gagner! Hein? Ouais, mais même si je me fais commander une pizza, je suis encore ici pour une heure, fait qu'elle va être frette. Meilleure de la pizza frette que pas de pizza partout! Vu de même. Hein? Elle l'avait pas compris encore. Moi, le lendemain matin, je mange de la pizza frette, fait que toujours bon. Puis la Salvatore, je suis sûr que c'est excellent froid. Salvatore, c'est la meilleure pizza du monde entier. Bon. OK. Ça, c'est pour les auditeurs du jeudi, parce que je dois le rappeler, on est rediffusé le samedi, donc notez que c'est pas valide pour les auditeurs du samedi, pauvre vous! Maintenant, ça va être un petit bloc des palmarès, c'est fou, ça vous tente-tu? Oui, oh, absolument. Ben, ça peut juste... Ok, wow. Non, j'ai rien dit. Je te laisse aller. Moi, je m'en vais livrer ma pizza. Donc, je vous dis à la prochaine. Ok. Livrer la pizza à l'auditeur qui nous a téléphoné pendant la pièce musicale qui n'a pas joué encore. Non, mais avant, comme on a des gagnants avant. Ah oui, aussi, ok, oui, ben oui. Ok, tu vas tout les faire en même temps? Ben oui, c'est ça l'idée, on économise un peu d'essence. Ben oui. Donc, appelez-nous là, si vous voulez une pizza, 819-376-5183, pizza Salvatore. Moi, je livre, je pars, je suis un livreur. Je suis un livreur de pizza. Ah, le temps est long, ça n'a pas de sens. Hein? Quoi, l'hiver va être long? J'ai dit le temps est long quand tu parles. Ouais, sac, j'arrête, salut. palmarès. Claque la porte, claque la porte, ça va être drôle. Claque la porte. On aime ça quand le monde fonce. Là-bas! Je pense pas qu'on ait entendu pas grand-chose. Ça, non. C'est un peu raté à date. OK, 8-1-9-3-7-3-3. Hey, j'arrête plus, c'est le cauchemar. OK, bloc, palmarès, c'est fou. Ta gueule, François. L'émission sans fin. Bienvenue dans le bloc des palmarès et fous d'Assemblage Requis. On vous présente à chaque semaine les nouvelles entrées des palmarès qui en passant sont disponibles sur le www.cfou.ca. www.cfou.ca. Cette semaine, en nouvelle entrée, qu'est-ce qu'on a du côté anglophone? On trouve The Slackers, The Gaslight Anthem, que François-Olivier va adorer, Airborne et GBH. Alors que du côté francophone, il y a une seule et unique nouvelle entrée. C'est une nouvelle pièce de l'album Plâtrer la Lune ou Plâtrer la Lune de Fred Fortin. Elle s'appelle Massacre à l'harmonica. On va entendre ça tout de suite. Et puis, ça sera suivi de pièces du palmarès anglophone qui sont nouvelles. Donc, amusez-vous dans ce beau petit bloc. Je peux-tu parler, là? Oui, mais très rapidement. Hey, le téléphone commence à sonner. OK. Go. Dépêche-toi. Téléphone, continue. Non, allez-y. Okay. On prend l'appel. OK, on prend-tu l'appel? Non, oui, on prend l'appel. Pas le prendre en direct. Live en studio. Okay, bonjour. Les gens n'entendent pas, par exemple, à la radio parce qu'il n'est pas live à la radio. Ouais, mais dis, hey, rappelez. C'est parfait comme ça. Rappelez sur l'autre numéro. On le met en suite, appelle sur l'autre numéro. Non, c'est correct. Il y a sa pizza, là. Laissez-y une chance. Oui, il reste de la pizza, oui. Il me demande s'il reste de la pizza. Oh, oui. OK. Peux-tu mettre une pièce puis là? Oh, oui, ben oui. OK. Vous êtes assez fou. Ouais, c'est ça. C'est fou, Red, dans vos oreilles. OK. Donc, Fred Fortin. Ceci était une très bonne émission. Était de loin la meilleure de Mathieu Plante. Et le François-Olivier Marchand ensemble. Et Colin. Mais une chance qu'il y en a comme deux en tout de ça. Ouais. Mais beaucoup de plaisir pour vrai de ma part. Là, peut-être que vous m'avez trouvé pourri. Mais moi, j'ai trouvé pourri Stéphanie. T'es fatigué puis t'es osseux. Ah. Je suis osseux. Osseux, c'est... Je vais le prendre, je sais pas, là, merci. Je sais pas quoi dire. Hey, je vous rappelle, en fait, si vous voulez la pizza, 819-376-7666. Ça, c'est pas en studio, c'est directement au Salvatore. Vous parlez directement à la salle. Félicitations aux gagnants. Moi, je m'en vais livrer de la pizza. Et puis, je vous dis probablement à la prochaine. À la prochaine. Hey, moi, je veux qu'on salue vraiment l'initiative. Je trouve ça merveilleux comme histoire. Sérieusement, c'est un gars qui nous a appelé. Pour le concours, pour gagner des pizzas. Hein? Nicolas. Bon, Nicolas, enchanté. Et puis, il nous a dit, ben là, je suis sur la route, mais c'est pas pour moi des pizzas. C'est pour des amis qui construisent une maison en quelque part. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est super sympa. C'est cute, même. C'est sympa. Oui, cute. Cute. C'est beau. Non, on aime ça, pour vrai. Les gars, ils vont payer de quoi. Je m'envoie leur amener une pizza. Ils travaillent sur un salage, là. Une grosse job, écoute. Tu sais, quand tu bâtis une maison, là, c'est pas évident, là. Écoute, travailler dans les coins, écoute. Travailler dans les coins. Hein? Je parlais comme un joueur de hockey. C'est ça. J'aime ça, faire ça. Vraiment la meilleure mission du monde. Ouais. Ah, félicitations au gagnant. Oui. Félicitations à Sébastien Richard qui a gagné soit en parachute, qui était super content, soit dit en passant. Félicitations au gagnant précédent aussi des pizzas. Félicitations à vous pour votre beau travail. Félicitations à moi pour ma performance plutôt extraordinaire. Ah, plutôt, oui. Évidemment. Ouais. C'était vraiment excellent. On s'attendait juste à ça de toi? Je sais. Que du meilleur. J'ai livré. La pizza. Oh, ouais, exact, hein? Exactement. Hein? Exactement. Coirons, c'est du grand Mathieu Plante. C'est le meilleur livreur. Il est en forme. Best delivery system in the world. The best delivery system in the world. Je suis fluent en anglais, sans problème. Oui, tu me donnes le flux, en effet. Donc, bonne livraison. Et puis, nous, on termine cette heure là-dessus. On vous remercie d'avoir participé aux différents concours, surtout pour les gens qui nous écoutent en direct le jeudi. C'est du beau travail que vous faites de nous écouter en direct comme ça. C'est lourd de tâche. Ceux qui n'ont pas fini de déménager, lâchez pas d'arrêt et il reste pas beaucoup de temps. Fait que dépêchez-vous. Il n'y a pas de date limite sur la fin. Non, je sais, mais tu sais, les autres, ouais, quand il fait noir, c'est pas évident. On met la pression. Si tu déménages dans un appartement que quelqu'un déjà habite là, fait que non, tu peur. Veux te dépêcher, ouais, je sais, c'est ça. Donc, restez là, dernière heure, dans quelques minutes à peine. Les auditeurs du samedi, en passant, sont sûrement peut-être encore en train de déménager, sont peut-être encore dans les boîtes. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un délai dans les choses ou peut-être que vous peinturiez, que l'appartement était libre. Je sais-tu, mon gars, je ne commencerai pas à raconter chaque histoire de chaque personne qui déménage ici, là. Hein? Donc, ça a provoqué aucune réaction. Hein? Non. Moi, je suis debout, je m'en vais. Là. Bye. Salut. Hey, merci encore. Hein? Ouais. Restez à l'écoute, on revient dans quelques instants avec la chronique ton plat favori en fond. Bonjour, c'est la dernière heure d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées, toujours avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. En passant, Assemblage Requis qui est présenté aujourd'hui fièrement par Pizza Salvatore, nos bons amis, nos amigos. Amigos. Donc, Pizza Salvatore qui est au Cap de la Madeleine sur Vachon, au 450 Vachon, c'est dans la Halle 40, en fait. Salle à manger de 150 places, donc si vous voulez aller manger là aujourd'hui, il y a un gros spécial, hein, à 10$ jusqu'à 20h, donc je dirais que ça vaut pas mal la peine de se rendre là. Oui, 9,99 pizza extra large. Aïe, aïe. C'est au prix de la médium. Ça a-tu pas de sens, sérieux? Moi, j'ai hâte que la mienne, elle arrive. Ah ah. Tu iras la commander, puis il est quand même juste 5 heures. Il nous reste encore une heure à faire. Oui, il nous reste encore une heure. Et voilà. Donc, Pizza Salvatore, on les remercie. 819-376-7666. Si jamais vous n'avez pas encore gagné le concours, 819-376-7666. Tantôt, on était en plein milieu du bloc palmarès, donc on va y revenir parce qu'à un moment donné, on s'est comme écarté. Ouais, on s'égare un peu parfois. Avec de la pizza de même, c'est comme ça, l'odeur me fait changer de bord. Fait que là, je suis comme. parle plus dans le bon micro, c'est tellement que je suis déconcentré. Hein, ouais. Donc, on revient dans le bloc Pamarès, c'est fou. Et quand on s'est laissé tantôt, on a écouté Fred Fortin avec Massacre à l'harmonica, qui était la seule et unique pièce qui est une nouvelle entrée du côté francophone. On va en entendre deux du côté anglo. Donc, il va y avoir tout à l'heure The Slackers avec Daddy. Mais on commence avec GBH, qui est en 20e position. Voici Perfume and Piss. Perfume and Piss. Perfume and Piss, toi. Intéressant. Drôle d'ingrédient pour une pizza, je trouve. Du tout. Ça fait oui. Mais ça n'a rien à voir avec rien, ça. De toute façon, l'âge requis. C'est fou, 89.1 FM. City on fire. Does it get any better? The Slackers et la pièce Daddy, nouvelle entrée en 17e place du palmarès de C'est fou. Avant ça, c'était GBH avec Perfume and Piss, qui est une nouvelle entrée en 20e place. Donc voilà pour le petit bloc des palmarès C'est fou que vous pouvez retrouver sur le cfou.ca en tout temps, www.cfou.ca. J'ai l'impression que The Slackers, c'est une chanson que mes parents auraient pu danser là-dessus. J'avoue. Et maintenant, c'est à votre tour. C'est le cercle de la vie. OK. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Vous savez qu'à chaque semaine, Stéphanie, telle une radieuse, quelque chose de radieux. Une mouche radieuse. Qui a, a des yeux partout sur la culture. Hein? J'aime pas particulièrement. Pas vraiment. C'est ton plat favori. Oh, plat favori avec une mouche dedans. Non. En fait, rien ne peut me faire jeter un plat que je viens de me préparer pendant genre 30 minutes, 45 minutes. C'est un beau petit repas que je me suis fait. Plus qu'une mouche dans ma salade, tu sais. Putain, faim après ça, tu sais. Ouais. Surtout mon que c'était pas favori? Une mouche, c'était comme... Ah oui, vas-y. La pizza. Ton plat favori, c'est la pizza, moi aussi. Non, c'est vraiment pas mon plat favori, mais aujourd'hui, je pense que oui. J'ai tellement faim. Hein? Moi aussi. On attend que François arrive. On se plaint toujours à chaque semaine... que l'émission finit tard, hein, c'est ça? Oui, parce qu'on comprenait, chers auditeurs, qu'on est vraiment pas dans une tranche d'heure où on peut vraiment manger. Non. Faut qu'on mange après 6h30. Ou avant 3h30, tu sais. 2h30. 2h30, excuse-moi. C'est long. Bref, assez parlé de nos états d'âme. Ton coup de cœur cette semaine, c'est The Shins. Oui, et The Shins, il y a quelque chose... de particulier par rapport à The Shins et moi-même, c'est que avant j'écoutais plus ou moins de musique, disons, pas connue et non commerciale. J'écoutais un peu ce qui passait à la radio et malheureusement pas ce qui passait assez fou. On finit par apprendre, hein? Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, j'écoute beaucoup de musique différente. Et quand j'ai commencé à acheter beaucoup de CD, l'album de The Shins... C'est un des premiers albums que j'ai acheté avec Tegan and Sarah, puis des choses comme ça. Mais c'est ça, The Shins fait partie des 5 premiers CD que j'ai achetés qui ont mené à cette vague d'acheter des CD tout le temps. Oh. Hey, de par le fait même, là, The Shins, je te disais que c'est une partie du corps. Ouais. C'est entre le genou et la cheville à l'avant. Donc c'est comme l'envers du mollet. C'est le devant. Le devant de la jambe. Shins. Tibia. Tibia. Ça doit être le tibia. Ça doit être le tibia. Alors, The Shins, si vous ne les connaissez pas, un groupe américain que, honnêtement, je peux pas vous dire c'est quoi le style musical. Moi, je m'étais fait dire un mélange entre Beach Boys et quelque chose d'autre, mais malheureusement, je me rappelle plus du quelque chose d'autre, parce que ça fait quand même, quoi, 3 ans que j'ai acheté ce CD-là, je crois. Mais déjà, Beach Boys, c'est un bon début pour sonner bon. Ah, mais tu sais, c'est comme aussi content, joyeux, planant. Upbeat. C'est ça, c'est super mélodique. Et il y a un membre de The Shins, James Mercer, qui est le chanteur, qui est dans Broken Bells maintenant. Ah! Alors, il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler de Broken Bells. Alors, voilà, ça vous dit peut-être quelque chose. Leur dernier album, qui est celui dont je vous parle, Wincing the Night Away, remonte à 2007. Et on va aller écouter la pièce Australia, mais vous devriez vraiment écouter tout l'album parce que on peut l'écouter sur repeat et c'est pas grave. Moi, je différencie pas les chansons de toute façon parce qu'elles sont toutes bonnes sur ce CD-là. On va aller écouter Australia. The Shins. Assemblage Rocky. Sur C'est fou. 89 fois. Wow. On s'enchaînait comme de l'eau sur un tibia. Comme de l'eau sur un tibia. Ouais. Les tibias poilus, tu sais. Ah. Around to them, they're gonna buy your lifestyle. So keep your wick in the air, and if hinder in your coat. You don't know how long I've been watching the light. Au oui. bar, tu pointes, puis... Non, il y a juste les gars qui font ça, je pense, se pointer dans un bar juste pour boire. Ouais. Seul. J'avoue. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre de mon plat favori de la semaine, The Shins. Les Tibias. Les Tibias, avec Australia, qui vient de leur album Wincing the Night Away. J'ai vraiment aimé ça. C'est bon, hein? Très bon. Ça fait vraiment une belle musique d'ambiance. Mm-hmm. C'est pas comme l'album de l'année ou une... C'est une pièce qui était écœurante, mais c'est vraiment un bon album à écouter quand tu fais ton ménage, ou peu importe. Donc, encore une fois, l'album Wincing the Night Away. De The Shins, qui remonte à 2007. Ça, c'était ton plat favori à toi. Oui, comme et toujours, toi? On me renvoie la balle. Hein? Tupperware préféré? Ouais. Mon plat favori, c'est rien de bien spécial, mais tu sais comment que j'aime Hot Hockey et que oui. tu aimes Hot Hockey? Oui. Eh bien, ils ont fait une apparition dans l'émission pour enfants Yo Gabba Gabba. C'est quoi ça? Ben, c'est une émission pour enfants qui s'appelle Yo Gabba. Eh ben. Donc, on écoute ça, puis en même temps, je vous décris un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment cool. Bon, t'as des petits genres de personnages bizarres qui sont partout. Puis il y a une grosse TV, comme toutes les apparitions d'artistes. Là, ça ressemble pas mal à ça. Là, t'as l'annonceur qui présente en télé. Là, ils sont dehors, dans une genre de forêt. Ils courent partout, puis ils chantent avec leurs cheveux bouclés. Ben, le gars, c'est super cute. Vraiment écœurant. C'est la première fois que j'entends une chanson avec des paroles aussi quétaines pour enfants, mais aussi bonnes. Tellement. C'est le temps d'aller dehors. C'est le temps d'aller dehors. Mais Yo Gabba Gabba, comme pour émission, en tant qu'émission pour enfants, ils reçoivent plein d'artistes vraiment cool. En tout cas, je t'en nommerai pas parce que je les ai pas par cœur. Là. Mais c'est vraiment le fun. Puis c'est super cute. C'est très coloré, très enfantin, mais en même temps tellement drôle. Puis le fun, puis cool, puis tout, là. Que j'aime bien ça. Yo Gabba Gabba avec Hot Hot Heat. Moi, je pensais vraiment. La raison que j'ai choisi ça, en fait, c'est que je pensais vraiment que ton plat favori allait être la présence de Tegan et Sarah à une autre émission pour enfants. Est-ce que t'as vu ça? Moi, là, j'étais en dehors de la civilisation cette semaine. Ah, ben, Colin. Je te rappelle que je reviens à la civilisation que pour te voir, Mathieu. Oh, tu donnes un film. Et animé avec plaisir, là. Mais surtout pour me voir, surtout ça. J'imagine. Donc, en tout cas. Oui, OK. C'est une autre émission qui a un drôle de nom. C'est Mama Yama sur CBC. C'est une émission canadienne. Donc, je te montre ça. Et c'est génial. C'est juste génial. Ça va être sur mon plat favori aussi. Pourquoi pas? How was that, Mama? Guys, that was great. And I'm going to come right in. Wow, wee, whoa, whoa. Thanks for having us in the studio, Mama. It's been so great recording all the new songs. What are le you kidding me? Le son est mauvais, je le sais. Moi, je la petite chanson. Par exemple, alligator. Donc, il chante Alligator, mais avec des paroles modifiées parce que, tu sais, ça parle quand même de choses assez... Alligator tears cried over you. Over you, over you. Over you, over you. Yes, it's true. My spiky claws, they crawl over you. Over you, over you. Over you, over you. Run around a tree, skip and jump about. Run around a tree, jump about. Over you, over you. Over you, over you. Over you, over you. Over you, over you. Et voilà, vous avez compris le couplet de, qui parle vraiment littéralement d'alligator au lieu de parler d'une histoire d'amour comme dans la vraie chanson. Parole de la vraie chanson, Sensitive It's True, Alligator Tears Cried Over You. Vous savez, qui sont complètement différents de tourner autour d'un arbre et... Ouais. C'est ça. Ah, ouais. T'as ouais. J'attendais que le micro soit là, tu sais. Bref. Ah, mais je suis toute déçue que ce soit... Bon. Toi qui présente ça dans ton plafond. Alors, toi, là. Non, mais je suis déçue d'être genre en retard parce que, tu sais, les nouvelles sur Tegan et Sarah, ben c'est toi, d'habitude, l'expert. C'est vraiment mignon. Je t'en mais le pire, c'est que je pense que c'est la chanson que j'aime le moins de toutes leurs stars. Pour vrai. J'ai aimé leur remix. Il y a comme une vingtaine de remix de différents artistes sur un... Non? T'es en retard de ça aussi? Ouais. Bref. Je peux pas apporter mon ordinateur où je vais. Que voulez-vous? Si j'avais un portable, ce serait moins pire, mais encore là. Je pourrais pas aller sur Internet. Ça pas grand-chose. Voilà donc, Tegan and Sarah, Alligator, performé à l'émission Mama Yama. Et puis, c'est à peu près ça. Yeah. Ils ont peur des alligators, pauvre petit. En fait, c'est maman elle-même. C'est vraiment cute. Ouais, vous êtes Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Longue chronique, ton plat favori, je trouve. T'sais. Mais c'était bon. Ouais. Du contenu. Quand même. Des alligators, de la viande, littéralement de la viande. Pizza. Dans cette chronique-là. Oui, pizza, pepperoni. Pas faite avec des alligators, ça, par exemple, je pense. Non. Je pense que c'est de la vraie viande. De la bonne viande. La sauce. Du fromage. Tu sais, moi, j'étais sous l'impression que si François-Olivier s'en allait, l'émission serait que meilleure, mais finalement, c'est peut-être à cause de nous autres aussi, on attend juste qu'il revienne. Oui. Qu'est-ce que tu as envie d'entendre, toi, Stéphanie? Est-ce que tu veux me passer n'importe quoi? Que je peux te passer n'importe quoi? N'importe quoi. Que voulez-vous entendre, public, Baby Shambles? Baby, nomme pas des affaires, là, puis là, tu vas agacer le monde, puis on les fera pas jouer, puis on va être tous déçus. Là. Ah! J'ai des lunettes là-dedans. Je m'en ai pas rendu compte. C'est-tu quoi? Ce qui dérangeait, c'était pas François-Olivier, c'est juste l'attitude de « on fait n'importe quoi » à la radio en ce moment. Contrairement à d'habitude à l'Assemblage Requis où tout est tellement tight. Tant qu'à avoir fait ça durant toute l'émission, pourquoi pas continuer jusqu'à la fin? Il reste juste une demi-heure. Y aller jusqu'au bout dans la folie. Tu sais, on fait pas les affaires à moitié, disons. Non. C'est comme on fait pas les affaires moitié pepperoni fromage, moitié Valdresse, tu sais. Hein? Non. Joke de pizza, mais... Ah, c'était vraiment pas une joke. Non, en fait, c'était juste une phrase. Arctic Monkeys avec My Propeller tout de suite. Assemblage Requis. Vous êtes assez fous, 89.1 FM. Down. studio dans les mots de Hiro Nakamura de la série Heroes. Comme qui dit Yata! Vous écoutez, c'est fou. Radio. Vous écoutez Assemblage Requis. Je sais pas, j'ai vraiment comme pris l'habitude de juste répéter ce que tu viens juste de dire. Hein. C'est un petit peu gossant presque. Hein. À peine. C'est pas, pas aussi peu qu'une mouche. Il s'est créé une chimie. Ah, wow, une symbiose, toi. Une symbiose, toi. Je viens juste de la pogner, ça a été long. Hein. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées, l'émission qui se peut plus. Pour encore non, une demi-heure. On s'excuse aujourd'hui, c'est la pire émission. Et de loin. Et j'en ai animé beaucoup. C'est vraiment horrible. Ouais. Mais on aime ça, c'est le fun. Ouais, c'est plaisant. Qu'est-ce qu'on va entendre? The Strokes. Avec leur album Is This It? Ouais. C'est tout. La pièce Someday. C'est tout. Is This It? Ouais, c'est tout. Someday, bloody someday. Non, c'est pas ça. On écoute The Strokes. Assemblage requis. C'est fou dans vos oreilles et dans votre ventre aujourd'hui. Ah, pizza! Salvatore! Oh, Salvatore! The Strokes avec une pièce qui se nomme Someday de l'album Is This It à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Écouter de la musique, je pense que ce serait une bonne idée. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Pendant que je suis tout seul pour un petit bout, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui me laissent tout seul. C'est le même. Alors, on va entendre un petit peu de Dead Sixties, un bon vieux classique. Hein. Vous la connaissez, vous l'aimez. Ça sert absolument à rien de la présenter, mais je le fais quand même. Voici Riot Radio au 89.1 FM. C'est fou. We'll be right back. C'est clair qu'ils ne sont pas en studio avec nous en ce moment. Il faut encore une fois remercier François-Olivier Marchand. Son travail de mascotte est exemplaire. Absolument. Il fait très bien ça. Il livre de la pizza pour nous et pour Pizza Salvatore, qu'on remercie aussi. Oui, absolument. Il nous a apporté, notre mascotte nous a apporté de la pizza. Il est-tu fin, il est un peu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, Pizza Salvatore, c'est au Cap-la-Madeleine. C'est sur Vachon, 450 Vachon, halte 40. Il y a une salle à manger de 150 places là-bas. Et puis, en plus, il y a un gros spécial jusqu'à 20h ce soir, le jeudi. Là. Pour 10$, qu'est-ce qu'il y a pour 10$? Une extra large. Une extra large. Aïe, aïe! Même pas de place pour mettre ça. Trop gros. Pour le prix d'une moyenne, 10$. Voilà. Donc, on les remercie, Pizza Salvatore. Allez voir leur site web au pizzasalvatore.com, pizzasalvatore.com. Une autre chose que je connais autant que la pizza, je pense que je suis un expert de pizza. Assez pour dire que Pizza Salvatore, c'est bon. Hein? Donc, c'est la technologie. Et voici la chronique de Cénix. Ça tombe en face, ça. Le pow! Et connais-tu les deux frères, les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fils, ils partent dans les tuyaux. Eh oui, aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est le POW, donc un pot pourri, ou un POW pourri. POW pourri. De différentes choses qui ne sont pas regroupées sous un même thème, donc c'est pas juste des sites web, c'est pas juste des gadgets, c'est pas juste des logiciels, c'est un mélange de plein d'affaires. Commençons par quelque chose que, en fait, je suis peut-être en retard là-dessus, mais je viens de le découvrir, donc je vous le fais découvrir à vous aussi si vous le connaissez pas, c'est catsthatlooklikehitler.com, connais-tu ça? Non. Ben, c'est un blog... Un site où les gens peuvent poster des photos de leurs chats qui ressemblent à Hitler, ce qu'ils appellent des Kitler. Vraiment cool. Donc, il y a, je sais pas, un chat qui a une tache de naissance de couleur noire à l'endroit en haut de sa lèvre qu'on a appris plus tôt dans l'émission que c'était le chibidouche. Flaboum. Ferloum, en tout cas. Bref. Il y a aussi là-dedans, bon, vous pouvez classer par les plus récents, par les meilleurs. Vous pouvez ajouter le vôtre. Vous pouvez, en fait, il y a une section. Où ils postent des commentaires de gens qui adorent le site et aussi des commentaires de gens qui détestent le site. Par exemple, vous trouvez pas que ce site est complètement inapproprié? C'est même pas vaguement drôle de voir des chats qui ressemblent à Hitler? Donc, des gens qui ont posté des messages comme ça, on peut rire d'eux en allant lire leurs messages sur catsthatlooklikehitler.com. Bon, il y a une communauté, un forum et tout. Hein? C'est écœurant. C'est drôle, c'est génial, j'adore ça. Ah, d'accord. Ensuite, ça c'est vraiment cool, c'est une bonne petite nouvelle, tu connais le film Tron, T-R-O-N, c'est le film des années, je crois, 80 avec Jeff Bridges, genre, non. Où il se promène en genre de véhicule néon, tout est néon, tout est très très très bleu informatique, c'est comme un gars qui est perdu dans une affaire informatique, je connais même pas l'histoire tant que ça, c'est pas grave, bref, ils vont faire des vrais motos, Tron, donc Tron. C'est une compagnie qui va faire, en fait c'est la même compagnie qui a fait les Tron qui ont été utilisés dans le film, il va y avoir 5 de ces motos-là qui vont être fabriquées, chacune avec une couleur d'accent différente. Donc, la couleur d'accent, c'est de la couleur de néon. Donc, il va y avoir bleu, rouge, jaune, vert et orange. La compagnie dit qu'ils ont construit cette moto-là pour... en fait, exactement sur le même modèle que celle d'origine. Qu'est-ce que ça dit ici? Ils disent que celle qui a été faite pour la promotion du film dans le temps ne fonctionne plus et celles-là vont être les 5 seules à exister et à fonctionner sur Terre. Donc vous allez pouvoir acheter ça pour 35 000 $ chaque. Pour bien sûr que ça ne durera pas bien longtemps. Hein? Ça va être acheté assez vite, même à ce prix-là. Le site whenwillapple.com est le prochain site dans la chronique Le Power de CNX. En fait, c'est un site concours, si on veut. Donc, vous devez deviner la date quand est-ce que Skype va sortir une application pour iOS 4, qui est la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone, évidemment l'iPhone 4, qui s'en vient très bientôt au Canada. Donc, Skype, lors de la conférence d'Apple, quand ils ont révélé le iOS 4, ont dit qu'ils travaillaient sur une version de Skype. Mais si on se fie à la dernière fois qu'ils ont dit ça, ça a pris 115 jours et 6 heures avant que Skype sorte une application pour l'iPhone 3G. Dans le temps. Donc maintenant, on prend les gageures, les mises pour savoir quand est-ce que la version pour iOS 4 va sortir. Si vous misez que vous gagnez, vous avez la chance de gagner une carte cadeau de 25$ pour iTunes ou pour le Apple Store. Donc vraiment, très bon petit site, whenwillapple.com. Et aussi, ils ont un blog. Donc si vous allez dans la section le blog, hein, Il y a des niaiseries comme la solution au problème d'antenne. Tu sais, l'iPhone 4, présentement, a un problème d'antenne. Si tu tiens le téléphone d'une certaine façon, genre avec ton intérieur de pouce qui bloque l'antenne, parce que l'antenne, c'est le tour du téléphone. Tu sais, il y a comme des cracks dedans et l'antenne au complet, c'est le tour du téléphone. Donc, quand tu tiens le téléphone d'une certaine façon, des fois, il y a des gens qui perdent leur appel. Donc, l'appel lâche, drop call, tu sais. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit à Steve Jobs pour lui demander est-ce que vous allez régler le problème? Et là, Steve Jobs a répondu, t'as juste à pas tenir ton téléphone comme ça. Hein? Hein? Donc, sur le blog whenwillapple.com, il te l'a dit. Donc, il suggère la façon de contourner le problème, c'est de virer le téléphone à l'envers avec le bouton par en haut et de juste changer les icônes de côté. Genre. Ça pourrait être la solution qu'Apple pourrait sortir. Parce qu'apparemment, c'est une faute matérielle et non pas une faute logicielle, donc ça pourrait être difficile à patcher. Bon. Donc ça, c'est ça. Ensuite, l'histoire du iPhone de 2007 à maintenant. C'est un beau petit dessin publié par Mashable.com qui nous montre exactement comment ça s'est passé parce que, bon, l'iPhone 4 sort très bientôt au Canada et est déjà sorti aux États-Unis. Apple a vendu environ 1,5 million d'iPhone 4 lors du premier jour de vente. Ça, c'était un estimé. Mais l'iPhone en tant que tel a commencé en 2007. Et là, dans le dessin, on vous montre de la préhistoire, donc l'ère pré-iPhone. Hein? Les gens vivaient dans des grottes, etc. Ensuite, en 2007, l'iPhone était vendu à 500$ pour 400 gigs, 600$ pour 8 gigs. Il y avait aussi l'iPod Touch. L'iPhone a été annoncé en janvier 2007, sorti en juin, donc quand même pas mal plus tard. 1 million de téléphones vendus en septembre 2007. Et à la fin de l'année, l'indice en bourse de Apple valait 180$. Et il y avait zéro application dans l'App Store parce que les applications sont arrivées plus tard, en 2008. Les gens oublient ça des fois, mais en 2007, il n'y avait aucune application. Donc, la raison d'avoir un iPhone, c'était d'avoir une calculatrice, puis un calendrier, puis un livre de contact, puis c'est pas mal ça. T'sais. Bref, en 2008, les prix ont descendu 200 pour 8 gigs, 300 pour 16 gigs. Apple valait seulement 90$ en bourse, par contre, sûrement à cause de la récession. 3000 applications d'ici la fin de 2008. Là, on saute en 2009 où les prix étaient encore les mêmes, donc 200, mais pour 16 gigs, pour le double de la place. Et même chose, 300 pour le 32 gigs au lieu de 16. Bref, on voit l'évolution dans la petite image et c'est très bien dessiné, très bien fait par Mashable. Tools.tweetsmarter.com est mon prochain site. Tools.tweetsmarter.com. Si vous êtes sur Twitter, vous êtes dans la mode, dans la vague Twitter, vous êtes là-dessus toute la journée, Facebook, Twitter, sur deux onglets différents avec votre Gmail dans l'autre. Là, vous êtes zigzag, zigzag. Et vous avez de la misère parce que vous n'avez pas les symboles. Vous voulez mettre un petit bonhomme qui sourit, vous voulez mettre un soleil, vous voulez mettre un carré, un crochet, un X, un symbole de A commercial, je sais pas, le copyright, une affaire d'échec, peu importe. Allez sur ce site-là, tools.tweetmaster.com, et là, vous pouvez écrire, blablabla. Et là, cliquez sur les icônes, par exemple le crochet, oup, là, ça insère un crochet, oup, tout ça insère dans ton message automatiquement. Et quand tu fais tweet it, ça t'amène vers la page de Twitter et ça copie-colle ton message dedans. Pourquoi est-ce que ça t'envoie vers la page de Twitter.com? Ben parce que là, c'est Twitter qui te demande ton mot de passe. Fait que t'as pas à donner ton mot de passe à une compagnie externe que t'as pas confiance en eux autres. C'est super bien fait. Tweet smarter. J'adore ça. Kristen Marshall, sur le site LockerGnome.com, a posté 40 papiers peints ou fonds d'écran pour l'iPhone 4. Donc 40 en haute qualité. Et là, haute qualité, on parle de 326 ppi, points par pouce, là, en 960 par 640 pixels. Et ça, c'est tellement gros parce que le iPhone 4, avec son Retina Display, hein, son affichage Retina qu'ils appellent, c'est que apparemment, selon ce que Apple dit, c'est que ton œil ne peut pas voir autant de pixels. Donc, quand tu vas regarder le iPhone, dans le fond, tes yeux sont comme pas capables de discerner la différence en différents pixels. Donc, l'image est absolument fantastique, ils disent. Donc, c'est pour ça que ces papiers peints-là sont faits dans la bonne résolution pour tirer le plus profit de votre iPhone 4 sur lequel vous pouvez maintenant mettre des fonds d'écran. Bon. Sur le site du film Scott Pilgrim, est-ce que tu as vu la bande-annonce de Scott Pilgrim vs. The World? Nope. C'est génial, c'est avec Michael Cera que tu connais de plein d'autres films. Oui. Avec... Il est cool. Il est tellement cool. Ah, il est cool. Ce film-là, c'est basé sur une série de bandes dessinées absolument géniales. Et la bande-annonce, si tu l'as pas vue, t'iras la voir. C'est, dans le fond, le gars, Michael Cera, doit se battre contre les ex-copains de sa copine, ou en tout cas quelque chose de genre. Il doit se battre à la jeu vidéo. Donc, tu vois littéralement les affaires s'afficher à l'écran. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler ici. C'est sur le site scottpilgrimthemovie.com/avatar-creator. Vous pouvez créer votre propre avatar de Scott Pilgrim et le partager, par exemple, sur Facebook ou n'importe où, et l'utiliser comme photo. Prenez une capture d'écran, mettez ça dans Paint Shop Pro, n'importe quoi. Envoyez ça sur Facebook, sur Twitter, sur MSN. Et là, donc, vous pouvez choisir d'être un gars ou une fille. Vous pouvez choisir votre nom, la couleur de votre peau, la forme de votre tête, les yeux. Et là, évidemment, vu que c'est basé sur la bande dessinée, les personnages ressemblent vraiment beaucoup aux personnages de la bande dessinée. Le style est parfait, je trouve, absolument parfait. Donc c'est Scott Pilgrim, themovie.com/avatar-creator. Et le film s'appelle Scott Pilgrim vs. The World. Si je peux vous dire la date de sortie, c'est le 13 août 2010. Et ça, j'ai hâte de le voir sur grand écran, croyez-moi. Si vous n'avez pas encore d'amis et que vous avez acheté votre iPhone 4, appelez le 1-888-FaceTime. Je vais en parler rapidement comme ça parce que je ne sais pas encore si ça existe au Canada, mais je trouvais que l'idée était très très bonne. 1-888-FaceTime. Et c'est pour tester l'iPhone 4 avec un vrai employé de chez Apple. Donc, je ne sais pas, essayez ça. Puis si ça fonctionne, ben ça fonctionnera. Bon. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, ça va faire le tour. Trop d'affaires en même temps. Fait que assemblagerequis.com pour les liens de l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, www.assemblagerequis.com. Je voulais terminer rapidement avec un extrait support auditif, parce que je le fais pas assez souvent, puis qu'on a deux petites minutes, ça me tente de le faire. Ce qu'on appelle ici, dans ce cas-là, un remix d'une pièce que tu vas sûrement reconnaître, en fait. C'est la chanson thème de Mighty Morphin Power Rangers. Ça t'intéresse, hein? Oh my God, ah, j'écoutais tellement ça. Remix chiptune-esque. Tout de suite, voici It's Morphin Time par Will Rock. We'll be right back. Will Rock avec la pièce It's Morphin' Time, oui. Vous l'avez cru, vous l'avez compris, vous l'aurez deviné, et puis vous vous demandez pourquoi, mais pourquoi? C'était un remix du thème de Mighty Morphin Power Rangers en chiptune. Je trouvais ça drôle de faire ça. Ça arrive des fois d'être cocasse de même, à se prendre pour un petit joke connaissant. Aujourd'hui, c'était pas mal cocasse, en effet. Cocasse, c'est un mot qu'on pourrait utiliser pour décrire l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est la fin de notre blitz de 5 heures. Donc, on se retrouve jeudi prochain avec notre heure régulière qui est 15h. Le jeudi, on rappelle, le samedi à 16h. Restez sur nos ondes et à l'écoute pour la spirale à partir de 18h avec Mathieu Leblanc-Houle. Le samedi à 21h, soyez là pour le vestibule. Retrouvez aussi notre ami Simon Fitzbé avec son émission. On s'appelle une fois semaine. C'est les mercredis à 15h. Stéphanie, est-ce que tu es là la semaine prochaine? Oui, je vais être là la semaine prochaine. Donc, on va se retrouver là en forme. Le ventre plein peut-être avant l'émission? On va essayer. Je pense que je vais dîner avant de venir parce que là sérieusement, là, je plains la pizza parce que je vais tellement là, on sait où elle est en ce moment. Dessus. Il est mieux de faire attention parce qu'on va y sauter dessus. OK, donc c'est ça. Et puis, jeudi prochain, 15h. Sinon, je remercie François-Olivier Marchand qui a fait notre mascotte et qui a participé à l'émission aujourd'hui. Je remercie Pizza Salvatore. Évidemment, l'école de parachutisme Adrénaline aussi. Tous ces gens-là. On se quitte avec OK Go et la pièce This Too Shall Pass, leur album Of the Blue Color of the Sky. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Bye.